on commence avec une étude parue dans Embo Molecular Medicine qui décrit une nouvelle cible thérapeutique pour soigner le myélome multiple. Oui, alors c'est un cancer de la moelle osseuse où l'on voit des lymphocytes proliférer jusqu'à entraîner des lésions osseuses. C'est un cancer qu'on ne sait pas guérir et dont l'espérance de vie en moyenne est de 5 ans. Alors cette étude de l'Institut Pasteur, c'est un travail de 10 ans, mais au départ, les chercheurs ne s'intéressaient pas à ce cancer, mais à une maladie rare, l'ulcère de Burély. Une maladie provoquée par une bactérie et qui cause des lésions de la peau, des nécroses cutanées. Les chercheurs ont découvert que ces ulcères se forment à cause d'une toxine produite par la bactérie, la mycolactone. Et c'est en comprenant le mécanisme d'action de cette toxine qu'ils ont découvert une cible thérapeutique du myélome multiple. Testée sur des tumeurs in vitro et sur des souris, la mycolactone s'est montrée très efficace contre ce cancer. Cette étude souligne l'importance de faire des recherches non dirigées au départ, qui peuvent aboutir à des découvertes importantes en cancérologie. Caroline Desmangel dirige une unité de recherche à l'Institut Pasteur dans le département d'immunologie. Elle est l'autrice de cette étude. On a cherché à comprendre comment agit cette toxine, la mycolactone, et on a découvert qu'elle ciblait donc un complexe protéique des cellules humaines qui s'appelle le translocon. Et en bloquant le translocon, bien cette toxine, elle permet à la bactérie de neutraliser les réponses immunitaires de l'hôte. Donc ça, c'est un avantage certain pour la bactérie pour s'installer durablement dans la peau. Et un effet collatéral, c'est que ce blocage translocon, eh bien, s'il est durable, il entraîne la mort des cellules. Donc au voisinage des bactéries, il y a une nécrose. Donc ça a été très utile pour comprendre l'ulcère de Burély, mais dans un deuxième temps, on s'est dit, est-ce qu'on peut exploiter cette molécule, son mécanisme d'action, pour inventer des nouveaux médicaments. Donc ce papier décrit l'utilité qu'on pourrait faire de molécules comme la mycolactone, qu'on pourrait faire pour de nouveaux médicaments anticancéreux, puisqu'on montre dans ce papier que le blocage du translocon, eh bien, c'est un moyen très efficace de tuer certaines cellules cancéreuses. Cette toxine est infiniment plus toxique pour le myélome multiple que pour les cellules normales. C'est en comprenant son mécanisme d'action, on s'est aperçu que, en fait, la mycolactone était particulièrement toxique sur les cellules qui font un grand usage de ce fameux translocon, donc les cellules qui sécrètent des choses. Et donc, les cellules de myélome multiple, elles sécrètent de manière très intense des anticorps. Et donc, au départ, il y avait un raisonnement quand même, qu'est-ce qui pourrait être plus sensible qu'une cellule moyenne à ce blocage du translocon. Et donc, on a pensé à des cancers sécrétoires comme le myélome. Il y en a probablement d'autres qui sont sensibles à ce mécanisme d'action de la mycolactone. Mais là, dans cet article, on a fait la preuve du concept que bloquer le translocon, eh bien, c'est un nouveau moyen de tuer certains cancers. Et un bon exemple est le myélome multiple. Et si vous voulez tout savoir sur cette mycolactone, vous pouvez retrouver l'étude de l'Institut Pasteur que nous avons publiée à l'instant sur notre fil Twitter, @laméthodefc. En bref, Natacha, selon une étude parue hier dans la revue Science, nous avons identifié le déclencheur principal de la sclérose en plaques. Cette maladie auto-immune qui attaque les nerfs serait provoquée par le virus d'Epstein-Barr, de la famille des virus herpès, transmis par la salive. Alors, des chercheurs américains ont étudié les dossiers médicaux d'une très grande cohorte, 10 millions de militaires. L'avantage avec le personnel militaire, c'est qu'il est régulièrement suivi médicalement. Alors sur ces 10 millions de personnes, 955 ont développé une sclérose en plaques. Tous ces cas, hein, tous sauf un, sont précédés d'une infection par le virus environ 10 ans plus tôt. Alors il y a peut-être d'autres facteurs pour développer cette pathologie, comme des facteurs génétiques. Néanmoins, le laboratoire Moderna est en train de développer un vaccin à ARN messager contre le virus d'Epstein-Barr. Également, Natacha, dans l'actualité des sciences cette semaine en ultra bref. Cette semaine, pour la première fois, les astronomes ont assisté à la mort d'une étoile supergéante. Ils ont observé, en temps réel, une géante rouge, une étoile extrêmement massive, se transformer en supernova. Alors contrairement à ce que l'on pensait, il n'y a pas de calme avant la tempête. 130 jours avant la gigantesque explosion, les derniers instants de la géante rouge n'ont pas été si tranquilles. Cette semaine, nous avons une confirmation que non. Les composés organiques découverts à l'intérieur d'une météorite martienne n'ont pas été produits par des micro-organismes vivants. L'hydrogène et le dioxyde de carbone ont en fait été créés de manière abiotique, par processus géologique qu'on appelle carbonisation et serpentinisation, soit l'interaction entre les roches volcaniques et de l'eau. Et enfin cette semaine, on découvre que la plus grande colonie de poissons se trouve sous la glace de l'Antarctique. Les scientifiques à bord du Polar Stern ont découvert, par hasard, sur 240 km², 60 millions de nids de poissons des glaces. Chaque nid contenait un poisson adulte et environ 2000 œufs. Des caméras ont été laissées in situ pour essayer d'observer l'éclosion de tous ces œufs. Dans un instant, on lève la tête, on regarde la comète qui va détruire l'humanité, mais ce sera bien sûr après le journal de la science-fiction. Et on commence par cette étude parue dans The Journal of Spacecraft and Rockets avec la conception d'une soucoupe volante pour la Lune. Des soucoupes volantes pour explorer la Lune ou des astéroïdes. Alors pourquoi une soucoupe volante? C'est parce que ces sols extraterrestres sont souvent accidentés, ce qui rend l'exploration difficile pour les véhicules spatiaux à roues. Les ingénieurs en aérospatiale du prestigieux MIT aux États-Unis teste actuellement un concept de rover en lévitation électrostatique. Alors sur la Lune ou sur des astéroïdes, il n'y a pas d'atmosphère, ce qui peut générer un champ électrique par exposition directe au Soleil. Le principe ici, c'est d'interagir avec les champs électromagnétiques naturellement générés sur ces corps et avec un champ électromagnétique généré artificiellement par le véhicule spatial grâce à un liquide ionique. Alberto Rossi est chef du service propulsion, pyrotechnie et aérothermodynamique du CNES à Toulouse. Le papier que vous m'avez montré définit liquide ionique. Alors nous, effectivement, on travaille sur ce type de technologie propulsive, mais on n'a jamais vu ce type d'application. Liquide ionique font partie de ce type de technologie propulsive qui exploite un système complètement différent pour générer de la poussée par rapport au système propulsif classique chimique. On a un liquide qui réagit chimiquement, donc il y a une certaine énergie chimique qui est stockée à l'intérieur du liquide. Ce liquide réagit et génère de très grandes températures, de très grandes pressions, et comme ça on arrive à le faire détendre dans son air et on génère une poussée. Le principe de fonctionnement est l'exploitation du champ électrostatique généré par exemple un astéroïde ou de tout petits corps célestes. Il y a toujours une génération d'un champ électrostatique, électromagnétique, voilà, c'est un champ naturel comme ça peut être le champ magnétique terrestre. Et vu que ce champ est déjà en place, on peut l'exploiter avec des mécanismes qui sont conçus spécifiquement, effectivement, pour générer des forces. Alors, autour de la Terre, par exemple, on le fait déjà avec ce qu'on appelle le magnétotorqueur. Le magnétotorqueur, ce sont des circuits électriques qu'on utilise pour aller exploiter le champ magnétique terrestre en orbite basse, bien évidemment, où on est assez proche à la Terre, où le champ magnétique est assez intense, pour changer la direction, l'attitude de notre satellite. Et là, c'est à peu près la même chose qu'on doit faire, sauf que les champs ils sont très faibles, et là, on parle plutôt de champs électriques, parce que cet objet, effectivement, sont très chargés en métaux, donc il y a forcément la génération d'un champ électrique qui peut être exploité pour générer des forces. Alors nous, on doit aller aussi, avec une source de liquide ionique, justement, générer un autre champ électromagnétique qui rentre en interaction avec le champ magnétique généré par l'astéroïde et va générer des forces qui nous permet effectivement de se rapprocher et pourquoi pas de planer sur la surface de cet astéroïde. Du côté des brèves, une étude parue dans Management Review en Chine, une intelligence artificielle procureur est actuellement testée par le parquet populaire de Shanghai Pudong. Oui, une intelligence artificielle pour exécuter des tâches de procureur et pour réduire leur charge de travail. Entraînée entre 2015 et 2020, l'IA a ainsi étudié 17 000 cas et peut identifier 8 types de délits couramment commis à Shanghai, comme par exemple les fraudes à la carte bancaire, les jeux d'argent illégaux, la conduite dangereuse, les blessures intentionnelles, le vol. Alors sur la base d'une description verbale de l'affaire, l'algorithme peut porter une accusation avec une précision de 97%, une marge d'erreur de 3%, c'est un très bon score pour une IA, mais dans le cadre de la justice, ce risque d'erreur est bien trop élevé, s'inquiètent les magistrats et les avocats chinois. Côté fiction, le nouvel album de la Brigade Chimérique vient de paraître aux éditions Delcourt. Et l'album s'appelle Ultime Renaissance, le quatrième et ultime volet des super-héros européens du début du XXe siècle. 250 pages qui dépoussièrent les personnages oubliés de la littérature fantastique européenne, avec des dessin signé Stéphane de Canevas et un scénario écrit par le romancier et essayiste Serge Lehmann. Et une très prochaine émission de science-fiction consacrée à cette brigade chimérique avec le camarade Serge Lehmann que nous saluons ici. Lien de sang d'Octavia Butler sera bientôt adapté en série. Et la chaîne américaine FX vient de confirmer une adaptation de ce roman de 1979. Le scénario sera écrit par Brandon Jacob Jenkins, le producteur consultant de la série Watchmen sur HBO. Lien de sang raconte les voyages dans le temps d'une jeune afro-américaine qui est propulsée dans une plantation de l'Amérique sudiste esclavagiste. Par ailleurs, deux autres romans de la pionnière de la science-fiction sont toujours en projet d'adaptation par Amazon, ces romans Dawn et White Seed. Ça va être très compliqué. Comme chaque vendredi. On termine par la rubrique de Science Improbable. Cette semaine, Natacha, une prépublication que nous aurions aimé peut-être ne pas connaître. Mais malheureusement, nous l'avons connue et vous allez nous la raconter. C'est sur BioArchive. Des chercheurs tentent de faire respirer des porcs par le rectum. Ces chercheurs américains ont introduit dans le rectum d'une douzaine de porcs de minuscules bulles d'oxygène. Alors blague à part, l'objectif de cette expérience, c'est de trouver une alternative au ventilateur pour les patients aux poumons endommagés ou en détresse respiratoire. Alors ce n'est qu'une prépublication, mais selon leurs résultats, la méthode d'administration colique semble prometteuse. L'injection de milliards de minuscules bulles d'oxygène dans le rectum augmente les niveaux d'oxygène dans le sang des cochons.